Juste, alors, c'est plus des petites choses que j'ai notées, comme ça on marche. La comparaison irlandais-breton, il y a des, aussi, on sait aujourd'hui toute l'affinité que les Bretons ont pour l'Irlande, et que les Irlandais ont pour la France. Ça marche aussi, on voit ça aussi quand même. Oui, l'amour n'est pas si réciproque que ça, en fait. On ne se comprend pas très bien avec les Irlandais parce que les Bretons adorent les oui, l'Irlande, et puis bah, en retour, c'est ah oui, la France. Donc, c'est souvent d'amour déçu. Il faut lire le livre de Morte là-dessus, la prison maritime. Ah, ouais, la rencontre. Oui, qui est fantastique. Petite chose que j'avais repérée, alors ça c'est dans mes. Ça fait très très longtemps. C'était un texte du XVIIIe siècle, du côté de Pontivy, si je me souviens bien, qui interdisait la divagation des chiens et des Irois. Pour les Irlandais. Donc voilà, c'était encore. La divagation des chiens et des Irois. Pour les causes de l'immigration. Il y a une chose que tu as soulignée, que je voudrais préciser un peu, c'est la question religieuse, effectivement, le clergé breton est contre l'immigration, c'est très net. Paris, c'est Babylone, c'est pour ne pas dire autre chose. Dans Face Abray, c'est show me den open tea, quoi. Restez chez vous, sinon vous allez vous perdre. C'est la ville en général, mais la ville, c'est incarné par Paris, quoi. Il y a aussi les missions là, dont tu parlais. On trouve dans Face Abrays des annonces pour le clergé. Alors, il y a l'évêque de Nantes qui nous demande un prêtre bretonnant, par exemple. Ou un évêque de Normandie qui veut des prêtres bretonnants pour le Havre. Ou juste comme ça, on en a pas mal. Alors, la grosse différence. C'est aussi dû à la Révolution. Tu parlais de tous les trucs que tu as dit sur la Révolution française, c'est très bien. Moi, je trouve. Hein, mais il y a un petit truc qui va peut-être. C'est le fait qu'avec la Révolution française, on a beaucoup de petites propriétés. Les biens des nobles et de l'Église en partie ont souvent été un peu dispersés. Et en fait, les Bretons avaient tous un champ. Quoi. Et en fait, quand on a un champ, on hésite à partir. Il y a aussi ce truc-là, il y a cette petite propriété qui a été quand même un grand frein à la... Alors, c'est à peine suffisant pour vivre, mais ça nous empêche de partir. Il y a un peu ce truc-là. Il y a la saison aussi, il y a une chose, une forme d'émigration dont on peut parler aussi, c'est l'immigration saisonnière que les Irlandais ne pouvaient pas connaître, puisque bon, voilà, il n'y a pas trop de choix. Ils s'y ont connu plus vers l'Angleterre, quoi, hein, vers les villes industrielles d'Angleterre, mais plutôt pas vers les États-Unis. On a pour la betterave, les Bretons, besoin de tant de chevaux et de tant de Bretons, ça, il y avait des annonces comme ça. Ou famille bourgeoise cherche bretonne désespérée, on l'a vu aussi. Hein. Dans le livre de Lambert Piriou, il y a un facsimilé d'une annonce comme ça. Ça fait toujours un peu. Même la mère de mon beau-père était bonne à Paris et chez la famille de chez Francis Gay, qui était un ici en France, un intellectuel français. Effectivement, les conditions, c'était limite l'esclavage. Ça m'a bien amusé l'histoire sur l'autorité. D'ailleurs, c'était pour les Celtes, donc irlandais ou les Bretons, qui sont allergiques à l'autorité. C'est peut-être la raison pour laquelle, nous, en Bretagne, à la tête des paroisses, on n'a pas des curés, mais des recteurs. De nous rectifier. Alors, la question, et puis, effectivement, c'est la question de Bretagne-colonie. La grosse différence, c'est que le Breton qui arrive à Paris ou ailleurs. D'abord, il est citoyen français. Absolument. Oui. Et alors là, et à partir de là, tout est dit, quoi. On n'a pas de différence, il n'y a aucune différence de statut politique. Il est électeur, et donc à partir de là, Eh oui, absolument. Oui. Ben, je crois qu'on s'en a. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, quoi. C'est un fait. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait très vite, parce que. Mais bon, voilà, c'est juste les deux, trois petits trucs sur lesquels je voulais rebondir. Mais voilà. Oui, merci. Écoute, en fait, j'avais prévu, bien sûr, d'insister là-dessus, mais comme j'étais un petit peu en retard, j'ai pas fait de conclusion, mais c'est vrai que c'est fondamentalement différent. Le breton, il est citoyen français, justement, par rapport à d'autres migrants. Dans les freins aux migrations, le point que je relève, c'est que tu dis qu'il y avait de la petite propriété. En Irlande aussi, il y a eu de la petite propriété qui a été organisée par les Britanniques. C'est-à-dire qu'au départ, le droit irlandais, c'était que la propriété était héritée par l'aîné. Et pour affaiblir les Irlandais, on a imposé un morcellement des terres. Quand il y avait une famille de huit enfants, ça devait être partagé entre les huit enfants. Et donc il y a eu une espèce de morcellement, et du coup ces exploitations étaient, toutes les exploitations devenaient trop petites, et ça pouvait plus fonctionner. Donc ça peut jouer dans les deux sens. Mais bon, tu as tout à fait raison de dire aussi donc le rôle des migrations saisonnières qui ont pu effectivement freiner les départs définitifs. Il y a un point que je n'ai pas mentionné, c'est pourquoi est-ce que les Bretons sont partis vers la France et peu vers l'étranger en proportion, c'est que la France avait besoin de migration. J'ai vu des chiffres, là je les ai plus sous les yeux, mais des chiffres très très très importants. Il y avait un grand décalage entre la France et le reste de l'Europe en besoin de main d'œuvre, très très fort. Hein. Donc du coup il y avait un appel d'air, et donc les Bretons avaient un débouché naturel. Mais autrement, ce qui est fondamental, c'est effectivement ça, c'est que les Bretons, ils vivent par exemple avec les Espagnols ou les Arabes, etc., mais eux, ils ont le droit de vote. Et beaucoup des choses que les Bretons ont vécues sont vécues aujourd'hui par les immigrés, hein, beaucoup de choses. Mais les Bretons, eux, ils avaient le droit de vote. Hein. Ils ont vécu, par exemple, des quolibets, ils ont vécu des moqueries, des trucs comme ça. Je pense que ça n'a probablement quand même pas été assez étudié. Il y a quand même trop peu de choses là-dessus. Et trop peu de choses de façon à ce que les Bretons en tirent profit, en tirent des conclusions. Et quelque chose qui est très bien en ce moment, par exemple, c'est ce que fait, c'est pas une étude, mais ce que fait Thierry Compin, par exemple, sur Nous n'étions pas des bécassines, donc des films. Ça permet aux gens de voir, de dire, ben oui, voilà, nous on a vécu ça, ou dans notre famille, etc., de digérer un petit peu les choses, parce que si on les enfouit, voilà, on les digère pas, quoi. Indigne de logement dont tu as fait mention. Et là, cette semaine, j'écoutais un reportage des années 60-70, où on parlait des immigrés, et la bonne dame qui disait, bah, pareil, exactement la même chose, mais à propos de... Mais ils étaient quand même mieux dans leurs arbres, hein, mais on les a fait venir. Et en fait, cette idée-là, mais je dis bien la bonne dame, parce que c'est pas, elle dit pas ça du tout méchamment contre les pauvres noirs. Mais on retrouve exactement la même chose. Oui, je voudrais faire juste deux petites remarques. Quand on parle pour les Bretons, hein, pas pour les Irlandais, quand on parle de la population dans la littérature, cette citation que tu as donnée, etc., c'est assez intéressant, il faut toujours prendre garde à ce qu'on ne parle pas en réalité. Des Bretons en tant que collectivité ethnique, en tant que peuple, c'est des notions que peuple et peuple, on parle du pays. Hein. Il y a à l'égard des Bretons, pour ce qu'on appelle, certes, ça fait un propre, un racisme de classe, les paysans bretons se sont trouvés incarnés au 19e siècle, semble-t-il, et ça a duré encore un certain temps, l'image même du paysan, du péclo, du plouc, de l'arriéré. Donc c'est pas l'ensemble des... ça n'est jamais l'ensemble des Bretons. Je sais pas, ça, par exemple, dans le Gaulle, il y a des... aussi des nobles bretons. Dans ces romans-là. Et qui sont des corbeaux, ouais, qui sont quand même c'est des nobles quand même méprisés quoi. Mais non, la noblesse bretonne, à la cour de Versailles sous l'ancien régime, les romans, la duchesse de Lorraine, etc. avaient un statut extrêmement élevé. Quand on parle des bretons dans cette littérature-là, c'est toujours les paysans. C'est très très rarement et la noblesse, même les petits nobles. La petite noblesse, des nobliaux qui dérogent en tirant la charrue. Bon, cela on peut avoir sans doute des témoignages d'un certain mépris, mais ce mépris s'exerce essentiellement à l'égard des paysans. La noblesse bretonne, même la bourgeoisie des villes, parce que les bretons, et c'est justement là où la différence est radicale avec des situations de type racial. Le breton, à partir du moment où il devient français, lui est assimilé, il parle français normalement, il vit à la française, le mépris disparaît totalement, il devient l'égal absolu des autres français. Et puis, non, puisque tu as parlé, tu as mentionné au détour d'une phrase le racisme universaliste. Que certains auteurs l'utilisent, et moi je ne l'aime pas, et toi tu ne le penses pas. Il ne s'agit pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas, il s'agit de savoir si ça a un sens. Et ça n'en a aucun. Les gens qui utilisent ça, tout de prestigieux qu'ils soient, sont soit des poètes, soit des gens qui ne savent tout simplement pas ce qu'ils disent. Racisme universaliste, c'est un oxymore. Et oui, je sais bien, mais. Le racisme, justement, c'est l'envers de l'universalisme. Hein, on est raciste quand on enferme une catégorie de la population, ou un peuple tout entier, ou un continent, dans une catégorie qui fait sortir de l'universel. Je ne suis pas tout à fait quand même d'accord là-dessus. Hein. Je pense qu'il faut être plus nuancé. C'est une variété de l'assimilationnisme, tout simplement. Et l'assimilationnisme, c'est... Quand on est assimilationniste, on n'est pas raciste, justement. C'est ce que Dodorant appelle l'universalisme éco-centriste. Dodorant, Taguieff, tout ça, c'est des gens qui racontent n'importe quoi. Je utilise les mots sans connaître les significations. Non, le terme éco-centriste pourrait quand même être assez... Oui, c'est des gens... Définir davantage... Oui, moi, je trouve que c'est le point de départ. Qui est un vieux concept, quand même. C'est-à-dire que quand même, par rapport, j'avais quelque part la définition du racisme par, comment il s'appelle, par Albert Memmi, que je trouve très bien, et où est-ce que j'ai mis ça, quelque part, le fait d'utiliser l'universalisme comme ressource pour aller coloniser, ça colle très bien avec la définition du racisme que donne Memmi, qui est en gros de valoriser un certain nombre de traits au profit de certains et au détriment des autres. Donc c'est pour ça, tu dis un oxymore, oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, voilà, nous sommes les porteurs de l'avenir de l'humanité, nous sommes les porteurs de la pensée, de la liberté, nous sommes le phare de la civilisation. Et vous êtes encore dans l'obscurité, vous êtes dans les ténèbres. Donc on va vous aider. Enfin, c'est toutes les... Et on va vous aider parce que vous êtes inférieurs aussi. Hein. Nous sommes supérieurs, vous êtes inférieurs. Et donc c'est un message universaliste et au nom duquel tous les intellectuels de la Troisième République ont justifié quand même la colonisation. Donc on ne peut pas non plus, si tu veux, dire bon, il y a l'universalisme d'un côté, le racisme de l'autre. Il y a une continuité entre les deux là. L'universalisme, particulièrement dans la colonisation française, ça a joué comme une mystification de la colonisation. Il y avait le discours colonisateur, la France avait une mission civilisatrice, donc il s'agissait d'apporter la lumière à ces gens qui étaient dans les ténèbres, etc. etc. Mais c'est toujours resté au niveau du discours, et les gens sur place, en Afrique du Nord, en Afrique, en Inde, en Chine, savait très bien de quoi. sens de la phrase, qui est un discours de mystification et qui a permis notamment à l'ensemble de la gauche de croire aux vertus de la colonisation, qui n'a pas eu que des fils d'ailleurs, aussi, mais sur le terrain, c'était le racisme colonial qui s'articulait. Parce que la situation coloniale était basée sur la séparation raciale des colonisateurs et des colonisés. Donc il faut soigneusement distinguer le plan de discours, le discours de l'idéologie, la justification et la réalité. Oui, oui, mais bien sûr, mais c'est quand même cette idéologie-là qui justifiait un comportement après qui était un comportement raciste. Donc il y a quand même eu l'utilisation de cette métaphore entre l'ombre et la lumière. Il y a l'utilisation de ça pour justifier après des pratiques racistes. Oui, le discours justificateur, bien sûr, surtout chez les Français. Hein. Les Britanniques, se gênaient beaucoup moins pour affirmer un racisme tout à fait suicide. Une question par rapport à ce que vous venez de dire. Le mépris en fait qu'avait la bourgeoisie parisienne envers la classe paysanne bretonne était-il le même par exemple pour la classe paysanne basque, auvergnate, etc. Comment expliquer le fait par exemple que la Bécassine, qui était à la base une paysanne picarde, costume de picarde, était assimilée automatiquement à une paysanne bretonne? Non, parce que je crois que les paysans bretons, les bretons et les bretonnes ruraux, ont eu le redoutable privilège d'incarner aux yeux des Français justement la classe paysanne. L'archétype du plus Cassine, c'était tous les paysans qui étaient plus ou moins assimilés. Alors, il se trouve que oui, il y a un renforcement par la bretonnité de la ruralité, de la paysannité. Mais je crois qu'on se représente mal aujourd'hui le fossé qu'il pouvait y avoir entre les classes bourgeoises et aristocratiques sous l'ancien régime, mais encore au XIXe siècle, entre les classes bourgeoises, les gens des villes et les gens de la campagne. Il y avait pas une méconnaissance, il y a un mépris total des paysans. Il faut se mettre dans la peau des gens du XIXe siècle et retrouver, notamment à travers les romans, se représenter, il y avait un abîme entre les gens de la ville et les gens de la campagne, et a fortiori entre les Parisiens et les gens du fin fond de province aussi affamée que la Bretagne. Donc on ne pourrait pas parler de racisme justement par rapport au comportement qu'a pu avoir la bourgeoisie parisienne à l'égard justement de la classe paysanne. En faisant une comparaison par exemple avec ce qui s'est passé dans le cadre de la colonisation africaine, donc le mépris de la langue, la moquerie, on ne pourrait pas parler d'une métaphore ou d'une idée de racisme pour ce qui s'est passé pour la classe paysanne bretonne. Est-ce qu'on a besoin du terme de racisme pour désigner toutes les situations où les gens, les dominants, méprisent les dominés? Non, bien sûr, non. C'est pas indispensable. Il y a des gens qui ont parlé de racisme de classe dans ce cas-là, mais ça n'éclaire pas la situation réelle, ça l'obscurcit plutôt, parce que ça tend à assimiler justement, à faire une comparaison terme à terme, je ne sais pas, la situation des paysans bretons. Et la situation des nègres colonisés ou des noirs aux États-Unis. Or, la différence radicale, c'est qu'un paysan breton avait toujours la possibilité de devenir un Français. S'il faut quand même réserver le terme de racisme dans certaines situations, c'est que le racisme interdit le passage du groupe dominé au groupe dominant. C'est ça, c'est la spécificité du racisme. Elle est là, elle n'est pas ailleurs. Donc, un fils de paysan breton passé par le séminaire, etc., et puis de l'ayant quitté, pouvait accéder aux classe les plus hautes de la société française, sans problème. Il traite pas son origine bretonne comme un lac, c'est un souligne, la traîne. Il peut même tricher dessus. On peut tricher avec ça. Il y a le risque de l'accent, quand même, qui reste un marqueur d'origine sociale. Il faut s'assimiler totalement. Ouais. Non, mais on peut tricher sur son origine. Sur, entre blancs, on peut tricher. Oui, oui. Quand il y a pas la couleur de la peau qui est là, la couleur de la peau n'est pas indispensable au racisme entre les colonisateurs français, blancs, en Algérie, et les colonisés arabes ou kabyles, il n'y a pas de différence de race. Alors, c'est pour ça que je disais. Il n'y a pas de différence de couleur. Rien ne ressemble plus à un Algérien qu'à un Français d'origine italienne ou espagnole, comme ils étaient très nombreux. N'empêche, il y avait quand même un racisme colonial. C'est pour ça que je préfère qu'on réserve le terme de racisme à tout ce qui est prétendument biologique. Mais prétendument, je veux dire. C'est tout ce qui peut. Il y a racisme quand, sous un prétexte biologique ou un autre, il y a une barrière infranchissable qui est établie entre le dominant et le dominé. Le dominé ne peut pas franchir la barrière, ne peut pas passer dans le groupe dominant. Mais c'est important de la clarifier, cette définition, parce qu'aujourd'hui, ça peut être n'importe. Tiens, j'ai retrouvé la définition de Mémy. Ouais. Le racisme est la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime afin de justifier une agression ou un privilège. Donc c'est un peu plus large que ce que tu dis, toi. Non, c'est une définition sur laquelle il n'y a rien à dire et ça ne justifie absolument pas l'expression de racisme universaliste qui est une. Au mieux un oxymore, au pire une stupidité. Je crois que Yves voulait. Non, mais je voulais dire, on parlait du regard de la bourgeoisie parisienne sur les Bretons, parce que les Bretons immigrés, mais bon, on peut aborder ça aussi en termes de rapport de classe, et à l'intérieur même de la Bretagne, le regard de la bourgeoisie, même de la petite bourgeoisie des villes sur le paysan. Il était aussi méprisant par rapport à la langue bretonne qui était, me semble, une appartenance à la Bretagne qui était commune, mais sur qu'est-ce qui dominait en la matière, est-ce que c'était un rapport de classe, je ne sais pas. Parce que je vois Didier Guivard, par exemple, qui parle du regard des Nantais, parce que oui. il met un cœur un peu, mais le regard des Nantais sur les Bretons bretonnants qui vivaient à Nantes, qui effectivement vivaient dans des conditions un peu comme à Paris, hein, dans la fin du 19e, les quartiers monarchiques ont été ensuite détruits, c'est essentiellement peuplé par des gens d'origine bretonnante, de Bretons bretonnants. Didier Guivard, qui était à Nantes, on sent qu'il a une rancœur contre les Nantais à cause de ça, par le regard qu'ils ont, de la bourgeoisie nantaise avait sur. Mais je ne sais pas si la bourgeoisie, même de Carré, ou une petite bourgeoisie locale, avoir à lire des choses, des témoignages de gens beaucoup plus récents, qui ont vécu aussi qui étaient des gens d'origine très rurale, et ils ont vécu aussi un regard très négatif sur le fait qu'ils parlaient encore breton. Voilà, je veux dire, là, on peut aborder aussi ça en termes de rapport de classe. Comment on l'articule avec l'approche raciale, je pourrais dire, l'approche, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut pas ne pas prendre en compte cette approche-là. En fait, c'est des synonymes. Breton, bretonnant, paysan, catholique, en costume paysan, on dit à l'époque, maintenant, du costume breton, c'est que c'est costume paysan. Tout ça, c'est on est égal à chaque fois. Même dans la bourgeoisie bretonne, disait les bretons, c'est égal. Dans les années 1950, je me souviens très bien, à Guingamp, la petite bourgeoisie guingampaise avait un mépris absolu pour les paysans du coin qui venaient au marché. Quand on parlait des gens qui bretonnaient dans les rues de Guingamp, c'était plouc. Par souci de se différencier. Il ne faut pas le changer. Oui, c'est ça. C'est Oh, il souffre trop de suppositoires. Ça monte à la tête. Ce que je veux dire est très incertain, peu documenté, et donc c'est même pas à la, c'est des suggestions, c'est même pas la possibilité d'une hypothèse, parce que tu nous as proposé une comparaison sur une longue durée, hein, sur 4 siècles entre Irlandais et Irlandais. Et parmi toutes les choses que j'ai entendues et qui j'ai pris des notes et qui nous font réfléchir, il y a une question, et c'est celle-là que je voudrais particulièrement introduire, c'est celle de la vérification de la légitimité de cette comparaison. Irlandais, Irlande et Bretagne. Et donc là où j'introduis une suggestion, c'est est-ce que l'on peut regarder sur la longue durée ce que les sociologues, anthropologues, à juste titre, appellent les faits de morphologie sociale. Est-ce qu'il y a comparaison possible entre des faits de morphologie sociale, les structures familiales sur la longue durée et les systèmes symboliques qui se réfèrent à ces structures familiales. Et dans les deux cas, ces structures familiales irlandaises et systèmes symboliques, systèmes de valeurs, référencées avec la chose équivalente du des Anglais majoritaires qui vont passer aux États-Unis, qui vont transporter en tant que communauté protestante et des structures familiales et des systèmes de valeurs identiques. Et la même chose entre la structure familiale bretonne sur la longue durée, si on peut l'établir, et en même temps les taux, les processus d'alphabétisation, les processus de contrôle de fécondité dans les deux cas. Donc, c'est la Bretagne et l'Île-de-France. Or, est-ce qu'il y a comparaison possible, donc entre les deux systèmes de relations minoritaires majoritaires, anglais, irlandais, breton, Île-de-France. Les descriptions, donc c'est là que je suis très incertain, mais enfin, c'est des travaux qu'on peut lire dans l'école durkheimienne, chez Leplet ou chez d'autres actuels intellectuels comme Emmanuel Todd qui travaillent sur ce type de questions. La description qui me revient en mémoire, qui est faite sur la longue durée des structures familiales bretonnes, par exemple, en différence avec l'Île-de-France, qui est la majorité, etc., et qui diffuse le système des valeurs des Lumières. La famille bretonne dite traditionnelle est une famille souche, si on regarde sur plusieurs siècles, d'après ce que j'ai en mémoire, on trouve, particulièrement en Bretagne, une structure hiérarchique, c'est-à-dire le patriarche est sous le même toit plusieurs générations, et dans la répartition entre les frères de façon horizontale, il y a aussi inégalité. Là, le système de l'Île-de-France, c'est une structure familiale nucléaire, et dans la répartition entre les frères, est à égalité. Donc, j'ignore pour l'Irlande, comment on veut le dire, le protestant, la structure familiale, les systèmes de valeurs protestantes de l'anglais qui va passer aux États-Unis, c'est une famille nucléaire, c'est-à-dire le couple, et quand les enfants deviennent majeurs, ils se barrent pour constituer une famille à côté, et un système libéral, mais la répartition entre les enfants n'est pas égalitaire. Donc en Île-de-France, on a le couple, une relation verticale parent-enfant libérale, et l'égalité, la valeur d'égalité entre les enfants. Est-ce que, et tout à l'heure, dans une réponse que tu faisais, tu signalais que les Anglais ont modifié par la loi la transmission d'héritage vis-à-vis de l'Irlande. Donc j'ignore quelle était la structure familiale traditionnelle d'Irlande et donc le système symbolique qui s'y attache. Mais on voit déjà pour ce qui est de la Bretagne, que l'impossibilité de l'égalité entre tous les frères fait qu'il y en a un qui hérite, les autres doivent se barrer. Donc, en faisant cette espèce d'hypothèse, j'essaye de regarder s'il y a une comparaison en termes de morphologie sociale sur de la longue durée, sachant qu'à partir de dans la longue durée structurelle, de la longue durée symbolique, Après, tous les processus de modernisation, les accidents, les guerres, etc., viennent toucher à ça, sans aucun doute. Mais je referme et je m'arrête là-dessus. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que c'est une hypothèse vraisemblable d'essayer de fonder une comparaison de ce qui arrive à ces deux groupements de population de ce point de vue, du point de vue de la morphologie sociale, et qui, encore une fois, prend en compte aussi les systèmes symboliques portés sur la langue. En tout cas, on peut creuser, on peut chercher à savoir. Je pense qu'il y a, on peut certainement arriver à bien connaître la famille irlandaise. Il y a dû y avoir des travaux là-dessus. Donc, c'est une hypothèse. Tout ce que je peux dire, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est donc que les Britanniques ont imposé la transmission justement à égalité des terres, alors que jusqu'alors, les terres étaient transmises aux aînés en Irlande. Mais on a eu un intervenant irlandais il y a quelques années, là, Mono Kishan. Bon, il pourrait peut-être me donner des informations là-dessus. Bon, je peux pas. Là, je ne sais pas plus. Oui. Une interrogation par rapport à éventuellement les différences entre des systèmes scolaires et universitaires dans la mobilité sociale, enfin, au sens large, c'est-à-dire ascendante et horizontale. Est-ce qu'il n'y a pas une particularité en Bretagne avec un rôle peut-être même au sein de la France, entre les différentes régions, qui place particulière en Bretagne pour la mobilité liée à la scolarité, aussi bien dans le cadre catholique que le cadre laïque, une certaine appétence peut-être des Bretons pour une recherche de mobilité dans le jeu des études, qui est ensuite auquel le système politique et institutionnelle apporte une réponse avec la place de l'administration, par exemple, des grands corps de l'État pour intégrer des provinciaux, par exemple, qui acceptent, enfin, qui suivent un certain parcours. Je ne sais pas comment ça a pu jouer, par exemple, aux États-Unis ou les Irlandais, parce que c'est vrai que dans le système libéral, c'est plutôt l'économie qui va permettre aux personnes d'accéder à une certaine évolution. Mais est-ce que l'université a joué un rôle, par exemple, on a vu des constitutions de dynasties, par exemple les Kennedy, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des matières à mettre en évidence des spécificités, par exemple, au niveau de la Bretagne, peut-être aussi par rapport à d'autres régions françaises? Oui, ça c'est effectivement quelque chose qui faudrait que je voie pour continuer la comparaison. Bon, c'est vrai que pour la Bretagne, tu as raison, la Bretagne a une place particulière en France par rapport à ça. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que c'est dans tous les milieux pareil, parce qu'on voit bien que l'Église a plus poussé les jeunes bretons, les jeunes paysans bretons à rester à la terre, alors que les instituteurs, hein, en gros, le prêtre, il leur disait « restez à la terre », et l'instituteur leur disait « faites des études et migrez ». Et ça se lit dans les cartes. Si tu regardes commune par commune, quels sont les endroits où le niveau d'éducation, enfin le niveau d'études a été le plus poussé, il correspond aux endroits où on vote à gauche. Bon, évidemment, dans toute la Bretagne, c'est vrai que le niveau de scolarité est le plus élevé de France, mais relativement, c'est plus fort dans ce qu'on appelle la diagonale contestataire, là où on vote à gauche. Et donc, il y avait quand même deux voies. Une qui était « ne fais pas trop d'études, reste ici et modernise ton exploitation », et une autre voie qui était « fais le maximum d'études pour, enfin, le maximum d'études, fais des études pour pouvoir ensuite devenir fonctionnaire et partir ». Et c'était quand même deux voies, quoi, un petit peu. Mais alors, comment est-ce que les Irlandais ont fait par rapport aux études aux États-Unis? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé ça dans mes lectures. Par contre, au début du XXe siècle, enfin, en tout cas pour ce qui concerne le Canada, il y a eu quand même beaucoup de prêtres en Bretagne, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, qui ont incité à l'immigration. Voilà, c'est là, différent justement. La population rurale, justement les paysans sans éducation, etc., pour partir au Canada et fonder des paroisses bretonnes catholiques, donc pour un petit peu remplacer ce qu'on avait perdu en France. Et donc là, par contre, c'était la classe rurale paysanne qui était le plus touchée. Donc le père Arthur a été un des ou l'abbé Le Floch aussi, dans les années 1910, ont été quand même des précurseurs au niveau de la colonisation et la création de paroisses bretonnes au Canada. Donc je crois qu'il y a deux choses à dire. C'est radicalement différent, hein, c'est vrai, c'est radicalement différent. Vous avez tout à fait raison. C'est pas du tout les mêmes migrations. C'est une migration encadrée par l'Église, suscitée par l'Église. Voilà, contrairement à la situation vers Paris, qui était vraiment totalement opposée. Entre les deux, il y a une migration, je ne sais pas ce qu'elle représente, mais à l'intérieur de la France, de paysans bretons vers la Dordogne. Voilà, une fille qui vit en Dordogne en ce moment, qui travaille dans le studio culturel, et elle rencontre sa vie, qui sont d'origine bretonne. Il y a eu une migration organisée quand même. Alors, je ne sais pas si c'était l'Église qui était partie prenante de ça, mais je ne sais pas de quand ça date, mais c'est probablement au début du 20e siècle, par l'agrégation religieuse. Oui, oui. Ils font référence toujours à leurs origines, ce qu'ils disaient. Alors, probablement, oui, qu'il y avait un exode rural important en Dordogne. Je ne sais pas trop les origines, mais en tout cas, ça représente. L'idée qui me vient, là, en fait, j'ai déjà vu cette appétence des jeunes bretons, c'est quand même assez longtemps, pour l'enseignement, le fait que, parce que dans le Finistère, il y aurait une commune comme ça, au niveau exceptionnel de réussite avec la nation, tout ça. Je crois qu'il serait intéressant, moi, de voir à titre d'hypothèse le rôle de l'inscription maritime. Les traditions de la fonction publique qui va attirer tellement de jeunes bretons vers la marine, bien entendu, mais l'enseignement ayant été vu d'abord comme un poste de fonctionnaire. Ce sera vrai. Le rôle de l'inscription maritime. Le rôle de l'inscription maritime. C'est des traditions. Hein. Oui. Comme un débouché normal. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on sait tous, c'est donc que la Bretagne aujourd'hui se détache par ses bons résultats scolaires et même universitaires. Enfin, tout c'est à partir de l'école primaire, la Bretagne est en tête partout. Pourquoi ? C'est pas parce que les Bretons sont plus intelligents que les autres. Ah non ? Non, mais ce qu'on ne sait pas, c'est depuis quand c'est comme ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je ne sais pas, en tout cas, depuis quand c'est comme ça ? Ça, c'est un état de fait depuis quelque temps, mais de quand est-ce que ça a commencé ? Plusieurs générations. Oui. Ça, je pense qu'à partir des années 50, avant les années 50, les Bretons, par exemple, qui émigraient à Paris, occupaient des fonctions d'ouvriers en usine, etc., oui. sur les chantiers. À partir des années 50, ils ont commencé à occuper des postes à responsabilité. On les a cités aussi à passer des concours pour rentrer dans la fonction publique. Je pense que le déclencheur a été après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu peut-être un virement de situation oui, oui. où là, les Bretons à Paris ont commencé à occuper des postes supérieurs. Et qui correspondent. Les bonnes à tout faire aussi, les bonnes à tout faire ont été petit à petit remplacées dans les années 50 par d'autres oui. communautés culturelles, oui. les Portugais notamment, parce que les bonnes à tout faire ne sait plus faire justement. Oui. Le premier syndicat de bonnes à tout faire a été créé dans les années 50 à Paris. Donc un syndicat pour essayer d'avoir de meilleures conditions de travail, etc. Donc là, à ce moment-là, forcément, la bourgeoisie préférait prendre des personnes d'autres origines culturelles que bretonnes. Donc petit à petit, les bretonnes aussi ont été amenées à occuper des postes différents que des postes de servantes. Et c'est aussi le moment de la modernisation accélérée de la Bretagne, quoi. Et de l'abandon de la langue, puisque on voit bien l'abandon de la langue massif, c'est à partir des années 50. C'est pas, enfin, avant, ça a commencé, bien sûr, mais c'est le déclenchement. Ça. Et donc, pour les études, oui, ça a peut-être commencé là. Je ne sais pas. C'est une supposition. Oui. J'ai trois questions. Oui. La première, par rapport à ce que tu nous as parlé, est-ce que tu as eu lecture de certains aspects psychologiques? C'est-à-dire que oui. quand on émigre, est-ce qu'on est rondais ou breton, est-ce qu'on pense revenir au pays, dans la région natale, ou est-ce qu'on se dit je reviendrai plus? Comment on part? Parce que je pense que les bretons, notamment les bretons qui allaient à Paris, gardaient un contact étroit avec la famille, mais est-ce que je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que, par exemple, dans le lien au pays, il y a le fait l'argent à la famille, ou est-ce qu'on migre, et bien on vit pour soi. Notamment, je pense aux gens seuls dont tu parles. Et est-ce qu'il y a aussi des aspects positifs? Parce que là, en fait, tu as parlé beaucoup des aspects négatifs. Et il y a aussi des aspects du vécu positif au fait de. Oui, bien sûr. Et là, là attends, j'ai noté les aspects psychologiques. Enfin, enfin voilà, comment on émigre quoi, dans sa tête? Est-ce qu'on se dit je ne reviendrai plus, ou je pars pour 3 ans, 5 ans, avoir un peu d'argent et pour revenir? Enfin, dans quelle perspective on se place? Oui, oui, alors il y a ça. Dans... Je vous ai dit que j'ai apporté des ouvrages. Donc, ça, j'ai, donc ça, The Wages of Whiteness sur. Et Whiteness of a Different Color, et puis How the Irish Became White. Donc ça, c'est ce que j'ai lu sur les Irlandais, et autrement, on va sur les Bretons. Enfin, en fait, je dis ça, mais non, il n'y a pas tant que ça de choses. J'ai apporté celui-là, la Vivre sa ville, migrant breton et champ urbain, et dans celui-là, effectivement, on voit, en fait, ben là, il y a des stratégies différentes. Ouais. Hein, il y a des stratégies différentes. C'est fait à partir de gens de la région de l'Orient et qui migrent soit vers Le Mans, soit vers Paris. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont étudié. Ils ont bien délimité leur objet. Il y a beaucoup d'entretiens. Et donc, bon, il y a des stratégies différentes. Il y en a qui partent avec l'idée de ne plus revenir. Il y en a qui partent avec l'idée de revenir, qui sont malades physiquement de quitter la Bretagne. Ils n'en peuvent plus. Il y en a, au contraire, qui ne veulent plus entendre parler de la Bretagne et qui évoluent, notamment les jeunes. Eux, ce qui les intéresse, c'est la ville, etc. Et puis, au bout d'un moment, ils changent complètement d'avis. Ils disent, bah, finalement, en Bretagne, on n'était pas si mal, etc. Mais bon... Alors, donc là, oui, on a pas mal d'éléments. Alors, autrement, quand tu parles de psychologie, j'ai pensé tout de suite à la vision des choses par les prêtres, donc qui expliquaient le fait que les Bretons ne réussissaient pas, par le fait qu'ils n'étaient pas assez, ils n'osaient pas assez, quoi. Ils prenaient pas les initiatives, ils n'osaient pas, etc. Ils se faisaient ridiculiser, etc. Donc, il y a tout un aspect psychologique autrement là-dessus. Sur les Irlandais. Bon, j'ai pas cherché ça, donc ça me revient pas, mais je me souviens pas d'avoir vu ce genre de choses à propos des Irlandais. Mais j'ai l'impression que quand ils partaient pour toujours. Quoi. Ils partaient pour toujours. L'immigration en Amérique, c'était... Voilà. C'était tellement lourd comme... Ça coûtait cher. Ouais. J'ai l'impression que dans leur esprit, voilà, ils partaient. Voilà. C'est pas la même démarche, hein. C'est pas la même démarche. Oui, oui. Est-ce que les gens envoyaient de l'argent dans les familles pour les Irlandais? Je ne sais pas, j'ai pas vu mentionner ça dans mes lectures, mais bon, j'avais pas non plus l'œil attentif à cette question, hein, mais je n'ai pas vu ça. Pour les Bretons, notamment 19e et début du 20e, oui, ça c'est sûr, oui, ils envoyaient de l'argent dans leur famille. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des aspects positifs? Ah, oui, bien sûr, il y a le message républicain qui est qu'il faut arracher les gens à leur environnement pour en faire des hommes libres. Il y a des gens qui sont en plein là-dedans, c'est-à-dire ils disent ben voilà, j'avais plus le poids de l'église, j'avais plus le poids de la vie rurale, le poids de la famille et du village. Là, je pouvais aller au cinéma, je pouvais faire ce que je voulais. Donc il y a des témoignages de gens, oui, bien sûr, bon, surtout sur la période. Étudié par eux, c'est-à-dire sur la période justement postérieure, enfin après, à partir des années 50. Sur la première période, est-ce qu'il y a des témoignages positifs? Ça me revient pas. Non, c'est plutôt la misère quand même. La misère, on en bave. Il y a une chanson, tiens, une vieille chanson. Alors, c'est un livre plutôt, c'est la période récente, mais il y a une vieille chanson à la fin. Sur les déboires des Bretons. Ça s'appelle les déboires de Paris. Et donc, bon, où ils rejoignent les Apaches. Alors, je ne sais pas quand c'était, ça, les Apaches. C'est quand même, c'est ancien, ça, les Apaches. Vous avez entendu parler de ça, non? C'était les... Hein? Les années 20, sans doute. Ouais, j'aurais dit les années 1900, moi. C'est dans une compagnie d'apaches que l'on prend alors un engagement avec voyous et chenapans. On se met alors en campagne. Quel triste sort pour un Breton de coucher la nuit sous les ponts. Donc c'est quand même ça qui domine, quoi. C'est on en bave, quoi. C'est dans ce que j'ai pu voir sur la période avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça qui domine. Après, je dirais que c'est beaucoup plus contrasté. Mais certainement qu'avant, il y avait aussi des aspects positifs, sinon ils ne seraient pas partis. Il n'y avait pas que le fait de gagner de l'argent, quoi. Il y avait certainement des aspects positifs. Oui, parce que j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec ma grand-mère maternelle qui est partie à 14 ans et qui a quitté son Saint-Nicodème natal pour aller à Paris. Et c'est vrai que bon, quand j'avais une vingtaine d'années, je me disais quand même que c'était super dur et tout, on s'est exploité. Et elle m'avait dit, mais tu sais, je sortais d'une telle misère, je suis arrivée dans un chez Dédé. Elle travaillait avec des vendeuses dans une crêperie. Elle m'a dit, les patrons étaient gentils, on était logés dans le j'ai été éduquée, j'ai été. J'avais à manger à ma faim, j'avais pas peur. Voilà. Donc elle dit, moi là j'étais bien, j'avais une bonne santé, j'ai été très bien chez ces gens-là. Et ça a été salutaire pour ma santé de sortir de la misère aussi. Elle était vraiment une famille très très difficile. Et donc tout à coup, elle avait inversé tout ce que je pouvais. C'est pour ça, les aspects positifs, elle disait oui, moi, j'avais de l'argent à ma famille, donc j'avais l'impression de contribuer à élever les. Et puis je mangeais bien, je vivais bien, j'étais dans le propre et on était polis avec moi. Et donc j'avais pas de. Mais elle faisait une hiérarchie aussi, hein, je me souviens, elle disait j'ai eu la chance de ne pas être bonne à tout faire. Donc voilà, elle était vendeuse, donc c'était pas le même statut non plus. Donc elle avait une vision, je pense, aussi positive de ce qu'elle avait pu faire. Hein. C'était pas du tout le prêt. Elle avait l'impression d'avoir. Enfin, qu'on lui avait appris à vivre, quoi. On lui avait aussi donné des codes. Qu'elle n'avait pas dans son milieu, on avait appris à parler, à se tenir. Et donc elle gardait une bonne. Elle travaillait pendant 7 ans dans cet endroit-là, elle gardait une bonne impression. Et l'idée de la peur, ça m'avait étonné. Elle se sentait sécurisée, en fait. Elle ne se sentait pas dans sa famille. Il y avait des gros problèmes d'alcool et je pense de violence dans la famille. Je pense qu'il y a, en fait, quand on regarde les films réalisés par Thierry Coppin, ouais, justement, ouais. Il y a vraiment les deux types de témoignages, même dans la catégorie des bonnes à tout faire, ouais. Où il y avait des bonnes qui ont eu une excellente, excellent rapport avec leur patron, et au contraire, ça a été une évolution sociale pour elles d'être bonnes à tout faire à Paris, alors que pour d'autres, c'était les dégradants, l'écrasement, la solitude, la peur aussi. Donc je pense qu'il y a c'est au cas par cas aussi. C'est difficile de généraliser en fin de compte. Ouais, mais c'est vrai que pour certains, c'est plus. Voilà. Moi, va. Ah oui, il faut qu'on y aille. Bon, je sais pas. C'est bon, on a fait le tour. Okay. Allez. En conclusion de la conclusion, nègre blanc, oui ou non? Moi, je dirais plutôt non, quoi. J'aurais plutôt tendance à dire non. Je sais pas où j'ai mis ma conclusion. Donc d'abord, les Bretons, comme je le disais en introduction, ça n'a rien à voir avec les Noirs. C'est pas le même destin. Hein, première chose, bien mettre les choses au clair. Deuxièmement, par rapport aux Irlandais, en Bretagne, les Bretons n'ont pas été victimes de ce qu'on peut appeler une oppression raciale. On peut pas comparer avec ce que j'ai décrit avec les penal laws, etc. Mais ils ont été victimes en Bretagne et quand ils ont migré, ils ont été victimes d'une idéologie, alors une idéologie dépréciative. Je pense qu'on ne peut pas en faire quelque chose qui est uniquement classe sociale, quoi. C'est l'intersection entre un élément de classe et puis un élément culturel breton, alors qu'on qualifiera comme on veut, mais il y a la double dimension. Surtout la classe. Oui, certainement, mais il y a une double dimension quand même. Quand on s'était en Bretagne, et quand ils sont venus à Paris, c'était les prolétaires. Oui, c'est vrai. C'était les. Oui. Oui, mais ils étaient aussi moqués par les autres prolétaires, hein, parce qu'ils parlaient dans une autre langue. Où ils avaient, voilà, c'est pour ça que c'est à l'intersection de tout. Et puis, dernière chose, c'est pas non plus des nègres blancs, dans le sens où, pour s'en sortir, ils n'ont pas du tout développé une stratégie d'oppression d'un autre groupe, parce qu'ils n'en ont pas eu besoin, peut-être qu'ils l'auraient fait dans un autre contexte, on ne peut pas le savoir, mais ils n'ont pas du tout développé ça. Ils ont développé une stratégie donc pour ce que j'ai appelé se blanchir, d'un côté, et puis d'autre part, alors là, comme les Irlandais aussi, ils ont tout accepté et ils ont travaillé pour se hisser socialement, dans une stratégie, voilà. Donc des nègres blancs, j'aurais tendance à dire non, ça ne correspond pas, quoi. Ça correspond pas. Voilà. Non, c'est pas plus justifié. Oui, non, mais pour les Québécois, c'était clairement...